quand y'a trop de cartes, faudrait que je compte toutes ces lacunes, ces fossés sentimentaux, car à ma vie il en manque. Je suis pas tranquille quand je me découvre, car j'ai trop peur qu'on m'encule. J'ai plus d'amis, car mon pardon est bien plus faible que ma rancune. C'est triste, je me confie qu'au pilon, à cette feuille, à cette copie là. Pourquoi c'est toujours court, pourquoi dans le rap j'ai pas de copilote. La tristesse j'en veux pas, je te jure celle qui m'embrasse. Quand on écoute mon texte, on peut presque deviner mon place. La compassion ne m'a pas appelé, quand j'ai crié j'ai pas pillé. Ils n'ont pas vu l'appel à l'aide, et toute cette peine éparpillée. Être égoïste devient fashion, je comprends plus leur devise pourrie. Existence individuelle, c'est un pour un, mais tous pour qui. J'écris ce que j'ai sur le cœur, je forme des rimes et puis je kick ça. Quand j'ai mal, j'en fais un son, au fond j'ai un côté éthique. Ça faudrait que je les avertisse, la planète serait silencieuse si on coupait la parole à tous ceux qui la trahissent. J'ai trop de facilité à écrire un son triste, mais j'ai trop de mal devant un thème. Lâcher des phrases égocentriques, un homme se différencie d'un autre. Par la couleur de ses billets de banque, j'ai tiré un trait sur le passé. Les ex diraient jamais oui et manque. Il sait, j'ai pas capté cette forte montée de faux MC. J'évite de dire que moi je rappe, y'a trop de bouffons qu'en font aussi. Avec l'amour, je vois cache-cache. En plus, lyricalement, je me cherche. Madame Joanne s'intéresse pas à moi, elle reste une meuf. Ma vie, j'ai trouvé son point G, mais comme un puceau, j'sais pas l'atteindre, tu sais. J'en ai marre, Charlène, de tous ces baratins. J'crois que j'vais quitter cette vie. J'ai fait que 100 mètres sur tout le marathon. J'vais finir bourré seul dans un de ces baratins. Dans la vie, j'sais que faire rire malgré ma peine. Tu qu'un bouffon, les meufs misent trop sur la forme. Mais au final, y'a plus de fond, j'ai joué gros. J'voulais être bon comme micro. Ce que j'ai fait, j'en suis fier, même si des erreurs, j'en ai commis trop. Tu sais, ma vie est monotone, pour ça que j'écris trop sans thème. J'ai plus goût à rien, mais rose ont l'odeur de chrysanthème. Ma peine, j'en guéris pas, même après, sans dix bandages. Comme l'a dit Alexis, je squatte la NPE sentimentale. Pour un rien, j'ai que mettre mes conneries en ce que dit. Vous seriez choqués si vous comprendriez vraiment ce que je dis. Moral plus bas que six pieds sous terre. Et si je devais pleurer chaque fois que je fais mal, mes larmes auraient rempli des citernes. J'arrive toujours devant mes buts, mais toujours au dernier siège, Davis. Qu'à l'affaire, moi je voulais marier avec Brooke Davis. Dans ma vie, j'ai pas les bases, j'ai que mon passé raté. Je veux mourir noyé au fond de la Seine au volant de ma Maserati. J'ai plus peur devant la vérité que devant Rec. Tant qu'il y a de la vie, y'a de l'espoir, cette illusion m'a dévoré. J'aurais pas mon heure de gloire, des refrains chantés par la foule. J'ai essayé de plaire, aujourd'hui j'en ai rien à foutre. J'sais pas pourquoi je parle d'album, j'ai pas d'alliés, j'ai pas de maille. La seule personne en qui j'avais confiance m'a trahi, pas de baratin. Moi je déprime tous les soirs, toutes les nuits, à me regarder perdre mon éternelle bataille contre l'ennui. C'est chaque jour, le même ciel, le même bus. J'ai 17 ans, je m'appelle Baptiste, y'a pas grand chose à dire de plus. Je suis qu'un jeune de plus qui traîne sa peine excessive. J'ai compris que mon bonheur était inaccessible. Même mes proches ne peuvent rien faire, cette overdose m'attriste. Comme si mes potes étaient l'état et que j'étais libéraliste. Je glorifie pas mon passé, j'ai jamais rien fait de concret. Chaque jour la vie m'interroge, j'ai pas de réponse, je suis comme un cancre. Je déprime quand je suis seul à tout prix, faut m'empêcher de réfléchir. Putain, j'ai jamais aimé, est-ce que mon miroir réfléchit? Crois pas que j'ai peur. Si tu m'aimes pas, bah tire, vas-y, en vérité, je suis qu'un fou qui essaie de sortir de l'asile. C'est abusé devant mes freestyles, jamais personne ne rit au fond de la salle. Je suis de ceux qui sortaient avant la sonnerie. L'amour, je peux t'en parler toute ma vie, mais j'arrive quand on tire du mal. L'amour, faut pas y croire, y'a jamais rien de durable. En hommage à ta tristesse, je t'appellerai négatif. Voilà comment est né un style, des rimes, des larmes auditives. Y'a pas que ma flamme qui meurt, à force mon corps canne aussi. Je me sentais fort quand je rappe avec les mecs de Canossif. Solidaire, je prêterai mon épaule si je vois que mon refrain meurt. À quoi bon aimer une fumeux, on sait que tout est éphémère. Sur mon parcours j'ai tant glissé, j'ai pas su mettre les bons patins. Juste avant de rendre mon dernier souffle, s'il vous plaît, faites-le écouter, c'est comme Catin. Console les rap gros, j'suis qu'un galérien seul. En fait au fond j'suis déjà mort, la nuit j'me couche dans un linceul. Overdose car j'en ai marre, marre du monde et marre de tout. J'rêve d'être connu par le rap ou grâce à une balle de foot. Mais tu sais c'est utopique, j'mise pas vraiment là-dessus. En plus pour eux j'serais personne, même en faisant ma tube. Sentimentalement j'suis un puzzle, même pradi maladie. Une démission écrite et un moral parti en arrêt maladie. J'ai plus de motivation, c'est grâce au mien que j'reste fort. Si j'suis dans le mélancotest, j'vais péter les best scores. Avant chaque épreuve de ma vie, je respire un coup et je prends de l'élan. Et puis sache que les plus gros traîtres font partie de tes premiers rangs. J'ai cric des phases déprimantes car personne n'a su transcrire ma peine. Ni su remplir tous mes pseudo MSN. J'aime trop rapper des sons comme j'ai papier, plume d'artiste. Car j'ai trouvé du réconfort que dans le chant d'un refrain triste. Marqué par le manque d'amour comme un jeune par un père absent. Et puis tu sais, du talent, j'en ai pas, moi je perds à 100. Dans le combat, je me donne à fond. Et si je dois le perdre, je le perds en sang. Et quand ma peine me kidnappe, personne paye la rançon. Dit à Albas que trop souvent le soir, je manque de sens. vie sur le trajet pour le bonheur. J'ai pas de GPS et l'essence suit. C'est métaphore sur métaphore. Là quoi bon si personne n'en comprend le sens. C'est abusé dans la vie. Moi j'avance à contre-sens avec 2 ou 3 grammes dans le sang. Plus rien ne m'enchante. Des projets inintéressants comme un long métrage sans le son. J'en ai ma claque d'énormes. Avec ma vie j'ai voulu faire une pause. Et c'est peut-être pour ça que j'ai appelé mon album Overdose. Moi je fonctionne mal. Je trouve que mon ex est plus belle après. Tout est éphémère. Même le bonheur je l'ai pris en prêt. Je veux que dire que rien ne change. Même les aiguilles de ma montre tournent en boucle. Avec ce train de vie, je sais que je cours dans le trou. Est-ce que la vie est belle? Réfléchis avant de dire ouais. C'est bizarre, j'ai perdu le nord. Mais c'était la girouette. S'il te plaît, ne dis pas que toutes les femmes sont belles. Ça reste à vérifier. La beauté nous éloigne du chemin de la vérité. Presque 18 ans, c'est triste. Jamais avec personne, je me suis uni. J'aurais pu plonger pour 5 délits en une nuit. Avec le temps, ça part en couille. Toutes les meufs deviennent nudistes. Je te passe mon rap et je m'en fous de ce que tu vas faire du 10. Faut arrêter vos proverbes à deux balles. Quand on perd une, c'est comme si t'en avais perdu 10. Même en bout de course à certaines choses que j'atteindrai pas. C'est triste comme écrire j'ai papier à cause d'une garce comme André A. André il m'a dit faut ouvrir les yeux pour être croyant. Mais moi j'ai rien vu, j'ai la gueule dans le volant. Pour résumer, je suis qu'un con qui fait une overdose avec un côté un peu fou. J'ai essayé de plaire, aujourd'hui j'en ai rien à foutre.